על הסוכותו. יחנו חולים בוצם הלמת, נעלו ליון הפוסאי, דדה. יחנו חולים בוצם הלמת, Lokosoe dede Okonya tasema lembe malembe nasela yo lokola perfusion nabika bomo ipeli wananga na maboko mayo ona sabote mana kosambela na kobondela nanzambe oye yangano boli kosema lembe nalula yo na posae dede yangano boli kosema lembe Dede, dede, ya ya na mama. Joel foto eh. Dede, arriba pa. Dede, leki nanga. Dede, dede, dede. Tuna la viola. Soka za koba mama. Ah oui. Ibanga gote mama ya. Ipa imiso na kozala na koyoka. Dede, fongo la mote mama. Na seki binonan. Boebi ka pwestani o kalonga seka kaka. Aje mo janti binomo boebi. Tout fona aloba. Nya se bo mo na pweste zanga. Pweste josa no kalo. Na ebi sabino ke. Na yakatura liboso. Bo mo na kabila mo bo revaka. Sikoyo. Bo ro reve. Badatita mikie. Na misita mikie la dansa mikie. Oh no, tu bazo leka leka, oh ngai Na angolo sambati, ngalaza, mwera, chokye Josta nyo kalongo, bilo mwogo orete Eza ngai Na ose ngai, mwasi na ngai Mama Blandin, na bebe na nga Raisa Na fan club na ngai Ha Non, c'est comme une maman. Tout le monde m'a calé, bien, Mickey, Mickey. Mickey, Mickey, mon chakiana. Vous avez posté à Bouka Boukango. À Bouki Boukango. Non, c'est un calabato, on va soutenir, posté à Nyo Kalongo. Mère Malou, Pépé Akundi. Ah, non, c'est canon. Nabina, non, là, c'est une autre décision, Moukie. Moukiopi, vous avez bien autre. Na pesa pe mama le ki la ngambote Dominiengi Kolesi Njongo ba pixel na ba soutenir le clem na bolemba te kana la sem no da sa mukie muchopi La kisa muchopi Muchopi muchopi muchopi eh muchopi chwe chwe chwe chwe Mama na Raiso, mimi ngambo.